Ma chance s'est perdue. Ici le bonheur c'est superflu. On cherche des subterfuges quand on espère plus. Je suis pas expert du contrôle de soi et je trouve hyper dur de garder ses nerfs quand on zone le soir. Si je pète un fusible, c'est que je prends sur moi comme un paratonnerre. Le ciel écrit, moi je parle à son père. Je t'harcèle comme la police. Je suis bien élevé et parfois mal poli. Je connais tous les vices comme un gosse Napoli. On a bafoué vos lois. Pour gagner plus, on a bâclé les devoirs. C'est dans la rue qu'on a taclé l'espoir. Plus de politesse, on se fait contrôler pour délit de faciès. Je vais faire du sale, l'instru je la baise et comme ta meuf je l'annexe. Souhaite-moi santé cette année. Mon compte en banque n'est pas censé stagner. Je pars au bon char comme un Pakistanais. Mes rêves s'éteignent jour après jour, je m'approche du gouffre. Mais c'est qu'elles apparaissent quand y'a le ciel qui se couvre. C'est le comeback des pros, le cauchemar des faux. Le flow qui refait la déco, la tête pas qui cave des côtes. L'alcool dans le sang, je crée des dommages collatéraux. Pour ma conscience, mélange le Jack au Coca Zéro. Tu veux de la tu, on te balance les derniers titres. Le shit est mis sous vide, le cola sonne est hermétique. L'alcool dans le sang, je crée des dommages collatéraux. Pour ma conscience, mélange le Jack au Coca Zéro. Je me suis renfermé pour mieux sortir du lot. Bientôt le jugement dernier, sois clean pour plusieurs tribunaux. Je tire une autre là, cherche toujours du propre là. J'ai eu ma dose de sale, faut que je lâche la force de frappe. J'amorce le bail comme si j'allumais la mèche. Ma foi est morte, trop d'échecs, le fou a buté la reine. J'ai trop enfumé ma tête en voulant purger ma peine. J'ai pas fait les bons calculs en comptant sur des sales traîtres. Laisse jacter les maquerelles et agis, fais ta vie. Je reste actif et j'arrive avec des tas de rimes, faut que j'éradique tous mes vices. Difficile d'éviter le mur quand la roue est libre. C'est pour ça que j'ai pris des mesures avant de finir en cendres. La flamme j'ai pissé dessus, on montera ensemble la gloire. J'ai pas visé ce truc, remettre la faute sur les autres, c'est la pire excuse. C'est le comeback des pros, le cauchemar des faux. Le flow qui refait la déco, la tête pas qui casse des côtes. L'alcool dans le sang, je crée des dommages collatéraux. Pour ma conscience, mélange le Jack au Coca Zéro. Tu veux de la tu, on te balance les derniers titres. Le shit est mis sous vide, le cola sonne est hermétique. L'alcool dans le sang, je crée des dommages collatéraux. Pour ma conscience, mélange le Jack au Coca Zéro. Aucun trucage, je regarde dans le reflet de mes Ray-Ban. Pendant que ces trous de balles ne font que la branlette cérébrale. Attends 10 pistes, tu verras s'ils sont fiables. Le bien et le mal indissociables se mènent à la phobie sociale. 5, 7 au 9, 1, toujours les mêmes séquelles. Pas de mise en scène, je rappe quand les lumières s'éteignent. Les émotions en prise d'otage, juste une anecdote. Combien de gens ont fait naufrage dans le regard des autres. Grimpe l'échelle, j'ai les crocs, sur la vie je me fais les dents. Gonfle tes pecs, gagne ton flow, tous les jours c'est de l'entraînement. Toutes les excuses n'effacent pas les conséquences. Lâche le rhum et ses effluves avant la perte de connaissance. C'est la guérilla. Dans nos villes et dans nos teutés, le deal être esclave pour percer. C'est cuit, je suis dans l'anonymat. Ça roule un cône pour stopper l'hémorragie. Je trouve l'inspi dans un peu de jaune, le façon géographique. C'est le comeback des pros, le cauchemar des faux. Le flow qui refait la déco, la tête pas qui casse des côtes. L'alcool dans le sang, je crée des dommages collatéraux. Pour ma conscience, mélange le Jack au Coca Zéro. Tu veux de la tu, on te balance les derniers titres. Le shit est mis sous vide, le cola sonne est hermétique. L'alcool dans le sang, je crée des dommages collatéraux. Pour ma conscience, mélange le Jack au Coca Zéro.